L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Florent Hubert, nous allons parler d'un spectacle qui sera à l'affiche à l'apostrophe prochainement, le vendredi 17 mars et samedi 18 mars, à l'apostrophe Théâtre des Louvrais, à Pontoise pour être précis. Il s'agit de Orfeo, je suis mort en Arcadie, un spectacle qui a été créé d'après l'Orfeo de Monteverdi. Alors, j'ai lu quelques éléments de presse déjà pour nous mettre un peu en jambe, vous et moi. Un spectacle total où théâtre et chant se marient dans un jeu de perpétuelle transgression, plus fort encore, furieusement joyeux, digressif, loufoque et poétique. Mais où est donc passé l'Orfeo de Monteverdi ? L'Orfeo de Monteverdi, c'est notre âme, c'est notre squelette. Et la partition nous sert aussi bien à raconter cette histoire en musique que, effectivement, parce que c'est notre vocabulaire aussi, c'est notre langage, que de faire des digressions comiques, poétiques, qui nous permettent de raconter autre chose que ce qui est contenu dans la partition. Très bien. Dans le livret. Cependant, est-ce que le mythe d'Orphée est toujours quand même un peu le fil rouge de votre spectacle ? Oui, oui, tout à fait, oui, le mythe d'Orphée, avec cette disparition d'Eurydice, la descente aux enfers et le retour sur terre, on va dire. Donc c'est cette descente et cette remontée qui sont la structure aussi de notre histoire. Quand on parle d'enfer, quand vous rappelez l'enfer, dans le Canard enchaîné, j'ai lu la chose suivante pour situer aussi pour nos auditeurs le spectacle. Jamais enfer n'ont semblé si accueillant, quel délice. Donc c'est pas une adaptation, c'est une réécriture, une réinterprétation de l'Orphée de Monteverdi. C'est une réinterprétation, une réécriture de façon collective, c'est-à-dire que j'ai dirigé l'arrangement, mais le contenu même de l'arrangement musical est fait à plusieurs, et pareil, le contenu du propos théâtral est écrit à plusieurs. Donc c'est vraiment la particularité de ce travail, et tous les imaginaires des participants sont additionnés, et nous ensuite, les metteurs en scène et moi-même, on doit faire une forme qui permette de raconter une histoire assez suffisamment unifiée pour qu'elle puisse être suivie et pour emmener le spectateur voilà dans tous ses imaginaires quoi, qui balade un peu le spectateur aussi quoi. Je pense que c'est ça qui fait le côté surprenant de ce langage quoi, assez digressif et surprenant. Digressif, oui, y compris au niveau de la partition musicale. On est bien loin de la musique baroque. Quoique vous travaillez la direction musicale fort justement de l'héritage de la musique ancienne, mais également du jazz, puisque vous-même avez un parcours musical différent, varié. Je pense à votre formation de musicien de jazz, écriture, orchestration et musicologie. Tout ça, ça a nourri aussi le fait finalement peut-être d'inventer un nouveau langage musical. Oui, enfin, ça serait très ambitieux de le formuler comme ça, mais il y avait peut-être un désir un peu de cet acabit. Et effectivement, j'ai ce parcours-là, et aussi les autres musiciens du projet, on est plutôt dans l'ensemble des musiciens qui viennent du jazz, ce qui fait qu'on est obligé, d'une certaine manière, comme on n'est pas des musiciens baroques, de réinventer l'interprétation de cette partition. On ne peut pas la jouer comme des musiciens baroques, on doit faire un détour, on doit se l'approprier ou la ramener à nous, en fait, pour pouvoir la jouer. C'est à la fois des parties très écrites, mais également des parties musicales plus improvisées, essence même du jazz. Oui, on essaye de garder un peu d'improvisation, mais c'est quand même écrit. C'est-à-dire qu'on se sert surtout de l'improvisation pour travailler, en répétition, pour écrire en fait. C'est un réflexe d'écriture, on va dire. Mais finalement, quand on joue le spectacle, tout est quasiment défini. Après, il y a quand même voilà, de l'interprétation. Les lignes bougent, mais les lignes existent. Même si elles ne sont pas écrites noir sur blanc sur du papier, elles sont fixées, on va dire. Donnez-nous quand même quelques indications sur l'histoire, ce que devient l'histoire d'Orphée dans ce spectacle. Pour moi, elle ne change pas foncièrement. Un mythe, à chaque fois qu'il est raconté, se transforme, parce qu'il est d'essence orale et il est fait pour se transformer. Donc, nous, on a gardé, comme je vous le disais, cette structure, cette descente aux enfers, la remontée. Après, effectivement, le ton des enfers est particulier, il y a effectivement beaucoup d'humour. On a essayé aussi de garder de la tragédie. La fête du début aussi, effectivement, on n'est pas dans une pastorale comme pour Monteverdi, parce que lui, il avait écrit « Sortir de la Renaissance, début de l'époque baroque ». Donc voilà, c'était la mode des pastorales. Nous, on en a fait une fête particulière dans laquelle il y a effectivement quelque chose de plus jazz, de plus explosif, de plus cuivré. Donc voilà, le paysage a changé en fait. Enfin, je pense que c'est le paysage et les styles, mais l'histoire elle-même reste la même, je pense. En même temps, l'histoire se passe aujourd'hui, non ? Dans votre travail de réécriture, de réinterprétation Non, il me semble... Ouais, pas particulièrement. Non, ça me semble un peu atemporel. Le pouvoir de la voix dans ce spectacle, effectivement, le lien avec l'Orfeo de Monteverdi, c'est le travail sur la voix et à la distribution justement de votre spectacle. Il y a pour cela à la fois des acteurs, musiciens, chanteurs. Vous êtes 13 sur scène. Je parlais tout à l'heure de langage peut-être inventé ou de langage nouveau. Je crois que c'est une piste de travail sur laquelle vous avez justement exploré les uns les autres. On a essayé de s'approprier effectivement cette problématique qui était propre à la Renaissance, à l'époque de Monteverdi, et à la naissance de l'opéra, parce que c'est l'opéra qui fait date comme étant, même si c'est pas totalement vrai, mais qui fait date comme étant le premier opéra. Et je pense qu'on a un petit peu déplacé la question du pouvoir de la voix au pouvoir de la création, à la création artistique en général, et aussi à une thématique qui nous plaisait. C'est pour ça qu'on a lié le spectacle au monde de l'apiculture, des abeilles, une thématique de quelque chose qui meurt et qui renaît en permanence. Voilà, donc c'est quelque chose à la fois plus général sur la création artistique et aussi quelque chose d'un peu sur le mouvement de la nature et quelque chose d'assez organique, parce qu'on s'est inspiré de Virgile en cela, que c'est dans Virgile qui est raconté un des textes de source du mythe d'Orphée, c'est dans les Géorgiques de Virgile. J'appuyais sur ce point-là, prenant en compte, je crois, je ne sais pas si c'est vous ou l'un des metteurs en scène, donc Samuel Achache et Jeanne Candel, qui ont dit « Nous voulons explorer à notre tour l'étendue de la voix humaine, d'où ce travail autour de ce pouvoir de la voix, à décrire entre chant figuratif et paroles chantées. » Alors effectivement, comme on n'est pas des musiciens classiques ou baroques et qu'on vient du théâtre, je pense qu'on aime à utiliser tous les niveaux de chant qui existent entre le parler et le chant vraiment chanté, c'est-à-dire on va passer par du parler chanté. Donc ça c'est sûr, ça fait partie de notre langage, on n'est pas soit dans un chant lyrique, soit dans du parler, on va s'amuser à voyager entre ces deux niveaux de traitement de la parole, quoi. Et en ça, je pense qu'on s'approprie à notre époque ce qui était les problématiques de Monteverdi, c'est-à-dire comment faire du théâtre en musique. Alors, quand on parle de l'opéra, certains ont encore, on va dire, parmi les plus critiques ou les moins intéressés par le genre opéra, on considère que le genre est désuet. Vous, avec Samuel Achache et Jeanne Candel, vous faites bien plus que dépoussiérer cette approche-là. Vous en faites même un spectacle, je disais, digressif, loufoque, voire poétique. Les musiciens sur scène. Ah oui, tout le monde est sur scène et on est tous à la fois des interprètes et des personnages. Sur le plan scénique, ça se passe comment? Quel est le genre qui apparaît le plus décrit ou présenté sur scène? Je lisais entre figuratisme, symbolisme, réalisme. Là, on est peut-être même dans de l'hyperréalisme. Ah oui, alors ça, c'est venu en répétition. Il y a des scènes qui sont effectivement très réalistes et d'autres complètement déréalisées. Les conventions sont très changeantes. Déjà, le son, je pense en général au théâtre, mais effectivement, peut-être que la musique aide à faire ça, c'est-à-dire que la musique et son pouvoir de transformation du paysage et de la convention, j'ai l'impression, aide à passer comme ça d'un langage à un autre sans que ça pose de problème. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît, qui fait partie de notre langage aussi, et qui fait que le spectacle est très surprenant. On peut être dans une scène avec un parler très 21e siècle, enfin avec un langage très contemporain, et ensuite tout d'un coup, on rentre dans une image beaucoup plus, dans un madrigal de la Renaissance, puis tout d'un coup, on va rentrer dans une scène très burlesque. Et je pense qu'effectivement, la musique nous aide beaucoup à faire ça. Sur les éléments de décor, je ne sais pas si on peut appeler ça éléments de décor, il est question d'une toile peinte qui est tendue. C'est pas une toile peinte, c'est peint sur du plexiglas, c'est peint sur un support transparent. Et je ne vais pas vous raconter ce qui se passe parce que ça fait partie de là. On va garder la magie du spectacle, évidemment. Voilà. Mais oui, il y a quelque chose qui est peint, oui. Juste dire, pour conclure, que c'est un spectacle qui dure 2 heures et qui s'adresse évidemment à tout public. On a bien dit, et on insiste peut-être encore un peu plus, que derrière le sérieux de notre conversation, c'est un spectacle furieusement joyeux. Oui, je pense que l'humour fait partie vraiment de notre langage aussi. Quand on travaille en répétition, très souvent on va vers l'humour aussi parce que l'humour permet d'activer les émotions en général, de créer un lien très fort avec le public et avec un public très large, et ensuite d'aller aussi vers le tragique. C'est-à-dire que l'humour, ça éveille les émotions d'une façon très directe et très simple, et ensuite c'est ça qui nous permet de basculer aussi vers le tragique, de revenir vers l'humour, d'aller, voilà. On est parti effectivement d'un mythe qui est sérieux, qui est tragique, et on l'a mélangé avec d'autres langages. Et ça, on aime beaucoup faire ça, oui. Merci Florent Hubert. Je rappelle que vous êtes directeur musical de ce spectacle, Orfeo, je suis mort en Arcadie. On ne dira pas tout, on a dit quand même pas mal de choses pour donner l'envie à nos auditeurs de se rendre à ce spectacle pour le découvrir. Le vendredi 17 mars et le samedi 18 mars à 20h30 à l'Apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Un grand merci à vous. Merci à vous.